palais royal. Là où ta gloire révélée, emmène-moi près de toi, Seigneur, car tel est mon seul désir. La splendeur et la magnificence sont devant ta face, ô Éternel. Et la gloire qui coule sur ton trône arrose ma vie pour toujours. Plus de toi dans ma vie, je te veux dans ma vie. Oui, plus de toi dans mon cœur. Oui, et les désirs profonds de mon cœur. Je voudrais te ressembler, Jésus. Oh, Jésus. Oui, plus de toi dans ma vie. Plus de toi dans ma vie, Seigneur. L'homme de Galilée. Oui, plus de toi dans mon cœur. Tu es mon modèle, car tu es le seul modèle de ma vie. Esprit de feu, guide divin, conduis-moi dans les lieux très saints. Pour contempler la gloire éternelle et y demeurer pour toujours. Dans ce lieu où tout est parfait, où toutes les difficultés s'enfuient, là où il n'y a ni la mort ni la maladie, c'est la gloire de l'éternel. Désir profond de mon cœur. Je voudrais te ressembler, Jésus. Oh, oh, oh. Et plus de toi dans ma vie. Plus de toi dans ma vie, Seigneur. Plus de toi. Et plus de toi dans mon cœur, mon roi. Je voudrais te ressembler, Jésus. Connu avant ma naissance, consacré ta vie à ton service, enfin de répandre le parfum jour et nuit devant ton trône. Oui, t'adorer jour et nuit, Seigneur. Devant ta face au grand roi, mon cœur est rempli de bonheur. Plus de toi dans ma vie, je te veux, Seigneur, je te veux dans ma vie. Oh, plus de toi, plus Jésus. De toi dans mon cœur, mon roi. Je voudrais te ressembler, Jésus. Oh, Jésus. Plus de toi dans ma vie. Toi qui connais mon cœur, éprouve-moi, toi qui connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Enduis-moi dans ta voix. Son sang au prix de mon salut. Plus de toi dans ma vie, Seigneur Jésus. Plus de toi dans mon cœur, mon tu roi. As comblé mon âme. Je voudrais te ressembler, Jésus. Oh, l'homme de Galilée. Seigneur, je te désire profondément dans mon cœur. Tu combles mon âme de ta joie, ô Seigneur. Je voudrais te ressembler. L'homme idéal, l'homme parfait. Car tu es le seul.